Ma fille, tu es devenue grande. Et tu dois vivre ta vie. Mais surtout, fais attention. Un grand bonheur peut cacher un grand malheur. La bouche qui embrasse peut aussi mordre. La main qui caresse peut aussi faire souffrir. Un bon visage souriant peut cacher un diable. Tu as grandi maintenant, tu es devenue jolie. Très jolie et intelligente, et tu dois vivre ta vie. Mais surtout fais attention car le monde est méchant. Mais surtout fais attention car le monde est méchant. Quelquefois peut cacher un grand malheur. La main qui caresse peut aussi bien te faire souffrir. Une bouche qui t'embrasse peut aussi te montrer ma fille. Mon frère, attention, la ténétique, Oli bébé. Mon frère, attention, la ténétique, Oli bébé. Un amour mal consommé peut deux fois terminer en tragédie. Alors fais attention, oh ma fille, avant de t'engager. Un amour mal consommé peut deux fois terminer en tragédie. Alors fais attention, oh ma fille, avant de t'engager. Un amour mal consommé peut deux fois terminer en tragédie. Alors fais attention, oh ma fille, avant de t'engager. Un amour mal consommé, peu de fois terminé en tragédie. Alors fais attention, oh ma fille, avant de t'engager. Ma fille, attention. Ma fille, attention. Ma fille, attention. Thank you. Est-ce que tu comprends le message? On a volé le cochon de la grand-mère. Et tu vois, la petite sœur est devenue une femme, hein? Give us every sound, music maker. We need enjoyment, music.

Petit Sidou a cassé la marmite de la grand-mère. Tout ça, c'est un problème. Et Cosme me connaît bien ça, non? Ouais. Très bien ça. Makubola na ezamba na zewa fe. Ogele ke bomo wa tele mukul amone. Ogele ke bomo wa tele mukul amone. Zewa dinga zabinga. Zewa wulu abebe biyong. Amone. Zewa dinga zabinga. Zewa wulu abebe biyong. Amusini ena be amone. Okalamboya mwane.